Bélier, vous n'avez pas les idées très claires, alors ne prenez pas de décision vous engageant pour l'avenir. Taureau, vaquez à vos occupations quotidiennes sans excès et tout se passera bien. Gémeaux, quand le moral va, tout va. Vous allez bien et cela rejaillit sur vos humeurs. Cancer, la passion vous donne des ailes. Vous accrochez un sourire à vos lèvres dans la joie et la bonne humeur. Lion, Mars vous insuffle un tonus à revendre et l'énergie nécessaire pour conquérir de nouveaux marchés. Vierge, la tendre Vénus vous invite à l'amour et Mars vous ouvre les portes du paradis. Balance, quel pouvoir de séduction! Un coup de foudre se profile à l'horizon. Scorpion, la température monte au baromètre de votre cœur. Laissez-vous tenter par une aventure passionnelle. Sagittaire, c'est le moment idéal pour faire une rencontre ou redonner du piment à votre relation. Capricorne, Mercure soutient vos projets. Multipliez les contacts, vous avez le vent en poupe. Verseau, vous possédez des atouts majeurs dans votre jeu pour négocier avec brio. Poisson, vous saisissez les attentes de vos interlocuteurs avec aisance et vous leur répondez du tac au tac.